feed right at you. Garçons et dames, bonsoir, ici DDN dans Le Vide Relatif, sur Rage 88.3, l'émission où on écoute de tout en essayant de ne pas écouter n'importe quoi. À tout seigneur, tout honneur, l'émission s'ouvre sur un titre du groupe qui a clos la saison précédente, Les Télescopes. Les Télescopes ont un parcours un peu chaotique ces derniers temps. Beaucoup de changements de personnel, beaucoup de changements de style, mais vous allez pouvoir le constater, la musique c'est toujours aussi bien. Il s'agit de The Perfect Needle, c'est le quatrième remix qu'ils font de ce merveilleux morceau du début des années 90, qui était au départ un hymne psychédélique, pop, très mélodique. Vous allez voir ce que c'est devenu, c'est assez loin de ce que je viens de dire. Les télescopes, vous pouvez les retrouver sur antennarecords.com. Au fait, je donne sans arrêt des liens internet, alors peut-être que le plus simple, ce serait de nous rejoindre directement sur le net en envoyant un petit mail à levidrelatif@hotmail.fr. Le vide relatif, tout attaché, @hotmail.fr. Je ne sais pas quand l'adresse va marcher, mais ça ne devrait pas tarder. Sinon, on doit pouvoir se retrouver sur les forums de Rage, sur forum.rage.fr. Vous avez peut-être remarqué que le vide relatif, c'est devenu mensuel, à moins que vous vous en foutiez complètement, ce qui est possible. Et de toute façon, c'est probablement pour ça que le vide relatif, c'est devenu mensuel, c'est parce que tout le monde s'en fout complètement. Bon, trêve d'idiotie, on va maintenant écouter un chouette morceau de Engine 7, un projet électronique qui est sorti sur 12 Rec. 12 Rec, je vous en ai passé pas mal l'année dernière et je pense que je vais continuer, c'est un label, on va dire, expérimental allemand. Et puis c'est drôlement bien, les disques sont drôlement bien présentés, les morceaux sont drôlement chouettes et je vous laisse découvrir ça. j'ai passé des vacances en Bretagne au mois de juin pendant 3 semaines, c'était drôlement bien. Il faisait un temps de chien, mais c'est normal, c'est la Bretagne. Par contre, il y avait de la bonne musique, parce que la bonne musique, c'est ce que vous venez d'entendre. L'album s'appelle Hope Street, il est sorti sur 12 Rec. L'entièreté, la totalité, la complétitude de l'album est excellent, courez l'acheter! Alors pour l'instant, le vide relatif, c'était un peu mou, alors on va faire un peu moins mou avec The Shit, We Don't Give a Fuck About Soul, en très mauvais anglais dans le texte. Trouver ça sur shitmusic.com. Enfin, vous pourrez pas trouver ça parce que cette version, c'est un mastering que j'ai fait moi-même parce que je trouvais que le mastering de l'album était minable et que la musique était tellement bien que ça avait bien besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, c'était The Shit. Red Catcher Finn Awit Point. Tiens, au fait, Rage 88.3, comme dit la voix du robot de le vide relatif. Bon, Rage 88.3, c'est bientôt fini. Bientôt, Rage, ça sera une web radio, ce qui est pas plus mal, parce que sur les ondes, il se passe plus grand-chose d'intéressant depuis bien longtemps en matière de musique, alors que comme vous avez pu tous et toutes le constater, c'est sur Internet que ça se tient, la musique, maintenant. Ça en est même arrivé à un tel point que la semaine dernière, j'entendais une émission sur MySpace sur France Inter, vous rendez compte ? Une émission sur la radio nationale d'un truc qui se tient sur Internet, où les artistes indépendants viennent proposer leur musique. Ça montre bien à quel point les gens des grosses boîtes de production, les gens des vrais labels, ont leurs doigts tellement profondément enfoncés dans leur derrière qu'ils n'arrivent plus à ressortir leurs épaules. Bon, ce qui suit, c'est certainement pas sur un gros label, c'est sur Experimental Seafood. Tiens, à propos de ça, ici, vous avez remarqué, vous le savez, c'est pas grave, je le dis encore, on ne passe pas du tout de musique qui est sur des vrais CD, qui vient sur des vrais labels, et qu'on trouve dans le magasin à 4 lettres, là, l'affreux truc qui a tué la musique en France. C'était Little Robot Voice, et après on osera dire que je passe que des trucs bourrins. À la radio, on reçoit des disques. Ce qu'on reçoit en général, c'est pas bien. Ce qu'on reçoit, c'est même vraiment pas bien du tout. Même souvent, ça mériterait d'aller à la poubelle. Bon, ça y va pas, parce que les gens de la radio, ils sont drôlement gentils, c'est d'ailleurs grâce à eux que je suis ici. Enfin bon, ça, on l'a reçu à la radio, c'est Spade & Archer, c'est du hip-hop un petit peu énervé, c'est sur Ici D'ailleurs, qui est un label français de Nancy, qui est pas si mal distribué, tiens, pour une fois. Des fois, j'aime bien quand c'est pas long. Ça tombe bien, ce qui suit, c'est pas long. Quoi, faire de la musique, c'est pas dur, hein. Même avec des samples de votre bébé qui tousse, tout ce qu'il vous faut, c'est du talent. Ah bon? C'est ça qui est dur? Maintenant, on va se passer un vieux morceau des Molecules. Les Molecules, c'est un des premiers projets de freecore dont j'ai entendu parler dans les années 90. Le freecore, maintenant, c'est beaucoup plus connu grâce à des projets comme The Dillinger Escape Plan, grâce à The Locust, probablement aussi grâce à Arabon Radar ou grâce à Mike Patton lui-même. Enfin, ça, c'est les Molecules et je suis très très content que le freecore, ça soit plus connu maintenant qu'à l'époque où j'ai découvert ça. Même s'ils ont l'air, ils sont pas japonais, hein. Ils sont américains. C'est Ron Anderson qui faisait ça, il tournait plein avec des tas de groupes de hardcore il y a longtemps, ils existent encore, ils font encore des choses très très bien. Voilà, c'était les Molecules, il y en a plus si vous en voulez sur forum.rh.fr si vous voulez nous contacter. Thank you. Et ça, c'était Cracklebox sur Ear Sugar, le miel des oreilles. C'était sur la compilation Robots and Electronic Brains. Robots and Electronic Brains, c'est un fanzine. Vous savez ce que c'est un fanzine ? Un fanzine, c'est comme une espèce de feuille de papier cul pliée en quatre sur laquelle il y a écrit des chroniques de trucs, ou bien des humeurs de l'auteur, ou bien des poèmes, ou bien des dessins. On fait ce qu'on veut dans un fanzine, c'est l'idée. Robots and Electronic Brains, disais-je, vient de fêter ses 10 ans. 10 ans, quelque chose comme une quinzaine de numéros, et puis 7 ou 8 CD. Enfin, vous pouvez vous abonner sur robotsandelectronicbrains.co.uk. C'est très très bien, c'est pas cher, bon c'est tout écrit en anglais, mais enfin que je sache, pour mettre le CD dans le lecteur, il n'y a pas besoin de parler glaouche couramment, hein. L'ambiance, ça passe pas bien à la radio. Souvent d'ailleurs parce que les morceaux sont très longs, et quand on a un morceau très long, on peut pas passer de la pub au milieu comme c'est le cas sur... comment qu'elle s'appelle la radio concurrente là ? Ah bon, il y a des radios concurrentes ? Ouais, enfin bon, on s'en fout. Toujours est-il que ça c'est de l'ambiance, c'est sorti sur Shinokoyo qui est un label américain, contrairement à ce que son nom indique, un label de noise ambiant, vous allez voir, c'est de la noise, c'est de l'ambiant, ça me plaît, vous me direz si ça vous plaît à vous. pensez peut-être qu'il n'y a pas de label à Arles, pas de truc qui sort des disques. Et bah vous vous trompez, il y en a un. C'est Burning Emptiness qui sort des CDR de 3 pouces en ce moment avec des jolies pochettes florales colorées sur du papier photo et qui sort des trucs dans un peu tous les genres, un peu comme on fait ici. Thank you. c'était Perfect Blue, un groupe anglais. Il y en a plus sur www.burningemptiness.com. Alors on va passer un truc de chez Domino Records. Non, pas un truc de chez Domino Records, ils sont distribués partout, c'est pas un label underground, tout ça, mais pourquoi on ferait ça ? Bon, on ferait ça parce que sur Domino Records, à un moment, il y a eu un de mes groupes fétiches qui s'appelle Flying Saucer Attack. Et puis aussi pour vous montrer que c'est pas parce qu'on n'en passe pas des trucs qui sont sur des gros labels qu'on n'en connaît pas. Thank you. Voilà, c'était Flying Saucer Attack sur le EP Sally Free and Easy. C'est la version CD parce que la version vinyle est en mono pour un problème de distorsion de phase. Quand c'était enregistré en vinyle en stéréo, ça arrêtait pas de sauter. C'est rigolo ça, hein. Ça montre à quel point Flying Saucer Attack c'est très très psychédélique. Red Catcher Fin Out Point. Voilà, il est déjà temps de se quitter. De toute façon, le casque me fait mal aux oreilles à l'endroit où il s'appuie sur les lunettes. On se quitte avec Moon et Emmanuel de Saint-Aubin. On se retrouve dans un mois, on sait même pas exactement quand. C'est ça qui rend le vide relatif si culte. C'était DDN, bonsoir.